Bonjour, bienvenue sur Radio Gamozo, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je continue à décrypter les expressions qu'on utilise et les questions qu'on se pose dans nos têtes et toujours dans la bonne humeur. Drôle d'expression et questions délirantes, épisode 12, c'est parti. Tout de suite une expression, un moulin à parole, une personne qui parle sans arrêt. Un moulin broie le grain et produit de la farine. Dès lors, le moulin à parole est une image où la langue produit comme le moulin de la farine. Par la suite, le moulin a représenté la personne qui parle. C'est aussi une machine difficile à freiner et arrêter. Tout comme un bavard atterrissable qui ne sait pas tenir sa langue. Je cite, « Je parlais pendant des heures, des jours entiers. Même, j'entendais le son de ma voix devenu si grave sous sa peau et j'aimais ça. Un vrai moulin à parole, je la saoulais. Anne Gavalda, tuerie du livre, je l'aimais, je l'ai lu en 2004. L'expression très parlante de diarrhée verbale évoque le même phénomène, mais avec une connotation grossière absente du moulin à parole. Le terme de logorée a le même sens, mais il se situe à la limite du normal et pathologique. Entre la tendance à parler à l'excès et le besoin irrésistible, morbide, de parler. La différence est parfois difficile à apprécier. La logorée est un symptôme de l'accès maniaque. C'est une maladie grave qui s'inscrit dans le cadre du trouble bipolaire. Au début, le tableau est trompeur. Les paroles sont encore cohérentes et le discours peut avoir une vivacité étonnante. Un certain brio. Rapidement, pourtant, le malade ne pourra plus donner le change. Cela permet de faire le diagnostic et d'entreprendre le traitement. En revanche, que dire des discours de Fidel Castro qui pouvaient durer plus de 6 heures d'affilée? C'est peut-être une façon de rouler son auditoire dans la farine. C'est le moment de la question délirante. Comment se nommer les rues? Il y a des rues dont les noms ont la classe, d'autres qui ont des noms nuls, d'autres qui sont drôles, d'autres qui ont des noms de personnages célèbres, d'autres qui ont des noms d'animaux, d'autres de héros de l'histoire. Des gens moins cool ou encore des personnes que tout le monde a oubliées. Mais qui décide ça? Peut-on choisir nous-mêmes le nom de notre rue? Théoriquement, c'est possible. Le nom des rues d'une commune est fixé par le conseil municipal uniquement. Du moins, tout le monde peut en proposer. Mais seul lui a le dernier mot. La décision du conseil municipal peut être contestée. Et dans ce cas, la proposition est transmise au préfet qui tranchera. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite sur Radio Gamozo. Passez une bonne journée. Salut !